Radiomatic. Amorcer la transmission 397 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe irlandais Just Mustard de son deuxième album Heart Under, lancé le 27 mai 2022. Il nous présentait la chanson Sore. C'est la musique de l'artiste américain Brad Meldo qui assure maintenant la continuité à Audiomatic. Audiomatic, nous entendions la formation californienne Black Rebel Motorcycle Club. De son deuxième album studio Take Them On Your Own, sorti en 2003, nous vous avons présenté la pièce In Like the Rose. Précédemment à Black Rebel Motorcycle Club et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le pianiste de jazz Brad Meldo de l'album Jacob's Ladder, paru le 17 mars 2022. Il nous offrait la pièce Herr und Knecht. Pour la composition de l'album Jacob's Ladder, Brad Meldo s'est inspiré de la musique progressive qui l'a tant marqué dans son enfance. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation britannique Block Party. See, I remember how you operate. Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Take me back to Constantinople. Make me back to Constantinople. Let England shake. Constantinople. Weight it down. Constantinople. Silent death. I fear our blood will rise again. Pour terminer ce segment complètement anglais à Audiomatique, il s'agissait bien sûr de PJ Harvey et la version démo de la chanson titre de l'album Let England Shake, qui est paru sur l'album Let England Shake Demos. Sur cette version démo donc de la pièce Let England Shake, on retrouve un échantillonnage de la chanson Istanbul, Not Constantinople, de la formation canadienne The Four Lads, qu'ils ont enregistré en 1953. Tout juste avant, nous avions droit au groupe anglais Susie and the Banshees. Il nous interprétait sa composition Switch, extraite de son premier album, The Scream, qui a été lancé en 1978. Et pour débuter, nous avions droit à la formation britannique Block Party et la chanson The Peace Offering, qui vient clore leur plus récent album Alpha Games, sorti le 29 avril 2022. Nous en sommes déjà rendus à la conclusion de cette transmission 397 d'Audiomatique. Et pour matérialiser cette conclusion, nous avons décidé de vous offrir la musique du trio américain Hearthless, tiré de son plus récent album lancé le 28 janvier 2022 et qui s'intitule Night Parade of 100 Demons,